Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous dresse le portrait d'un homme de science novateur, d'un instituteur pédagogue et d'un naturaliste poète et amoureux des insectes, Jean-Henri Fabre, auteur des Souvenirs entomologiques. J'aurai ensuite la chance de recevoir un duo d'invités, Pierre-Olivier Cochard et Romain Bagui, tous deux naturalistes, entomologistes et chargés d'études au sein de l'association Nature en Occitanie. Ils viennent nous parler d'insectes particuliers, les punaises, et de leurs différentes missions. Bonjour Pierre-Olivier et bonjour Romain, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Poète, écrivain, instituteur, chimiste, mycologue, botaniste, entomologiste, inclassable et insatiable curieux, difficile de résumer Jean-Henri Fabre à une simple fonction. Jean-Henri Fabre, issu d'une famille modeste, naît le 21 décembre 1823 dans le petit village aveyronnais de Saint-Léonce. Il confie apprendre à épeler les lettres grâce à un abécédaire animalier et pour le récompenser de ses efforts, on lui offre les fables de La Fontaine où la fine description des animaux le remplit de joie. En 1834, son père part à Rodez pour gérer un café et emmène toute la famille avec lui. Jean-Henri Fabre se retrouve externe au Collège Royal, un établissement prestigieux, loin de son école de campagne où il excelle cependant, amoureux des textes de Virgile. 3 ans plus tard, son père perd son emploi et la famille bouge beaucoup. Aurillac, Toulouse, Montpellier, Avignon. Fabre passe le concours d'entrée à l'école normale primaire d'Avignon, le réussit et devient 3 ans plus tard instituteur alors qu'il n'a que 19 ans. Malheureusement, et déjà à l'époque, la profession d'enseignant bien qu'honorable est très peu rémunérée. Fabre, marié à 21 ans et rapidement père de famille, cherche à augmenter ses revenus et à travailler en lycée où les salaires sont un peu plus élevés. Il passe une licence de mathématiques, puis de physique, et obtient un poste de professeur de physique à Ajaccio, en Corse, où toute la famille déménage. Mais au lycée, on n'enseigne pas les sciences naturelles et ses amis lui font comprendre que sa vraie passion est ailleurs. Il revient à Avignon et bachote donc de nouveau, tout en publiant ses premiers travaux d'observation sur les insectes dans les Annales des sciences naturelles, une revue scientifique réputée. Il prépare une licence de sciences naturelles, qu'il obtient en 1854 à 31 ans, et soutient dans la foulée une thèse de doctorat à la Sorbonne, composée d'un sujet de zoologie et l'autre de botanique, dont les titres sont les suivants. Recherche sur l'anatomie des organes reproducteurs et sur le développement des myriapodes, et recherche sur les tubercules de l'Himantoglossum hircinu, l'orchis book, une espèce d'orchidée. Botanique et zoologie, encore une fois. En parallèle de tout ça, il étudie la racine de la garance, une plante utilisée dans les teintures pour sa coloration rouge, notamment pour les pantalons de l'infanterie, et dépose des brevets sur la méthode d'extraction du pigment pur, la lysarine. Mais il se fait coiffer au poteau par 2 chercheurs allemands qui ruinent 10 années d'efforts et synthétisent le pigment de manière artificielle. Il cherche donc, et ce sont ses mots, dans l'encrier, ce que lui refuse la cuve à Garance, et il se remet à l'écriture. Il publie des ouvrages scolaires d'une même série intitulée « La science élémentaire » sur différents sujets, aux éditions de la Grave, la physique, la terre, le ciel, les ravageurs, l'algèbre et la trigonométrie, etc. Malheureusement, les choses se corsent pour Fabre. Il donne des cours du soir pour adultes, sous l'impulsion de Victor Duruy, ministre de l'instruction publique avec qui il s'est lié d'amitié. Et c'est un franc succès. Tout le monde veut venir apprendre avec le professeur Fabre. Mais le ministre fait passer une loi en 1067 qui donne accès à l'enseignement aux jeunes filles. Les conservateurs font tant de remous que Duruy démissionne. Fabre, qui a osé enseigner la reproduction des fleurs aux jeunes filles, est critiqué et vu comme subversif et dangereux. Il démissionne après 28 ans de bons loyaux services et se retrouve sans situation. Il revient donc à l'écriture, encore une fois, mais à plein temps. Il gagne sa vie avec les manuels scolaires, il en écrira plus de 100, mais se consacre aussi à la poésie, aux chansons, mais aussi à ses récits naturalistes. Il peint aussi plus de 600 planches de champignons à l'aquarelle avec une précision méticuleuse. Et il entretient une correspondance avec plusieurs grands savants de son temps, comme John Stuart Mill, philosophe et économiste britannique, et même un certain Charles Darwin, qui cite Fabre dans L'origine des espèces et le décrit comme un observateur inimitable. Consécration. Fabre passe 9 ans à Orange avec sa famille avant de dénicher la perle rare, son Armas, sa maison de Sérignan-du-Comtat où il finit sa vie et peut donner libre cours à toutes ses observations entomologiques. Enfin ! Voici ce qu'il en dit. 40 ans, j'ai lutté avec un courage inébranlable contre les mesquines misères de la vie et le laboratoire tant désiré est enfin venu. C'est un armas. On désigne sous ce nom dans le pays une étendue inculte, caillouteuse, abandonnée à la végétation du thym. Il publie en 1879 le premier volume de ses souvenirs entomologiques, le premier d'une grande série, son plus grand succès. Ils seront publiés jusqu'en 1907. 10 séries mettant en scène la vie et les expériences menées sur des dizaines d'animaux, mantes, araignées, chenilles, coléoptères, scorpions, entrecoupées d'anecdotes et de tranches de vie. Le succès est au rendez-vous. On dit de Fabre qu'il était précurseur et l'un des fondateurs de ce qui deviendra l'éthologie, l'étude du comportement animal. Car Fabre ne se satisfait pas d'inventorier les insectes comme un collectionneur. Il veut comprendre leur mode de vie. Voici ce qu'il en dit. On prend un insecte, on le transperce d'une longue épingle, on le fixe dans la boîte à fond de liège, on lui met sous les pattes une étiquette avec un nom latin et tout est dit sur son compte. Cette manière de comprendre l'histoire entomologique ne me satisfait pas. Vainement, on me dira que telle espèce a tant d'articles aux antennes, tant de nervures aux ailes, tant de poils en une région du ventre ou du thorax, je ne connaîtrai réellement la bête que lorsque je saurai sa manière de vivre, ses instincts, ses mœurs. Dans ses ouvrages, il raconte tel un conteur et émerveille ses lecteurs. Il décrit les mœurs cannibales de la mante religieuse et isole des couples dans des cloches grillagées pour les observer, s'amuse à immobiliser des boules d'excréments poussées par des scarabées bousillés avec des épingles pour regarder comment les insectes déjouent cette embûche. Il casse la file des chenilles processionnaires et enlève leur chemin de soie et observe le groupe former une file continue, puis un cercle infini. Il décrit et documente aussi ce qu'il appelle l'hypermétamorphose en observant un coléoptère, le Citharis, qui parasite les abeilles et passe par plusieurs stades larvaires très différents. Il raconte aussi, sous forme d'histoire presque surnaturelle, comment après avoir enfermé une femelle de papillon nocturne, le grand pan, sa maisonnée se retrouve envahie de dizaines de papillons mâles attirés par cette prétendante, sous le regard éberlué de la bonne. Il s'amuse aussi à tromper l'araignée Lycos de Narbonne en substituant son baluchon d'œuf à une boulette de coton ou de liège de taille similaire. Il étudie aussi la toile complexe de l'épère diadème et comment elle détecte ou non une malheureuse sauterelle prise dans ses rayons, grâce aux vibrations identifiées par son fil téléphonique. Ses souvenirs entomologiques rencontrent un très grand succès, même si tardif dans la vie du naturaliste. Ils sont traduits en russe, en anglais, en allemand, du vivant de Fabre, qui décède en 1915 à l'âge de 91 ans. Après la Première Guerre mondiale, les livres continuent d'être traduits, notamment au Japon, où Fabre est presque idolâtré, parfait équilibre entre l'homme de science et l'homme de lettres, et vu comme l'un des génies de l'Occident. Touche à tout curieux, invétéré, Jean-Henri Fabre apporte de la poésie à la science et de la science à la vie de tous les jours. Il est touchant de voir aujourd'hui l'énergie déployée par cet homme, au visage austère et au grand chapeau noir, pour connaître le monde et le faire découvrir ses concitoyens. Car outre son amour de la nature et son envie de comprendre le monde, il est évident que Fabre était guidé par son envie de partage. Il écrit ceci. « J'écris pour les savants, pour les philosophes, qui tenteront un jour de débrouiller un peu l'ardu problème de l'instinct. J'écris aussi, j'écris surtout pour les jeunes, à qui je désire faire aimer cette histoire naturelle. » Mission accomplie. Revoici avec nos deux invités, Pierre-Olivier Cochard et Romain Bagui, naturaliste, entomologiste entre autres choses, et chargé d'études au sein de l'association Nature en Occitanie qui agit pour préserver et faire connaître la faune et la flore locale. Alors vous avez tous les deux de multiples cordes à votre arc, mais vous travaillez en ce moment sur des insectes plutôt mal aimés, les punaises. Alors, la grande question c'est pourquoi les punaises ? Qu'est-ce qu'elles ont de si intéressant par rapport aux autres insectes ? Alors, c'est une question assez difficile parce que c'est des insectes, effectivement, qui sont mal aimés, mal connus et pourtant qui sont très communs. On en trouve partout. On en a dans les maisons à l'automne, en hiver. On en a partout le jardin, dans le potager. Et voilà, ben, l'envie de découvrir des espèces qui sont mal connues, en fait. Mais c'est vrai que la punaise, souvent, on voit cet insecte, tout le monde dit qu'il ne faut pas lui marcher dessus parce qu'elle va sentir mauvais, etc. C'est un insecte où on ne s'approche pas trop, il n'y a pas vraiment d'interaction très volontaire. Quoi. Enfin... Alors oui, donc c'est une des grosses caractéristiques de la punaise, c'est d'avoir une glande odorifère. Et donc, certaines punaises, émettent, quand on les embête, une odeur assez désagréable, qui en fait l'est pas tant si on est exposé à cette odeur plus régulièrement, on s'y habitue, mais c'est une espèce en particulier qui embête en général la population, et les autres espèces ne sont pas si odorifères que ça, voire pas du tout. L'espèce la plus courante que l'on retrouve plus facilement dans les maisons, c'est quelle espèce ? Ben, on dit la punaise verte, mais en fait, il y a plusieurs punaises vertes. D'accord. Mais ça va être Nezara viridula. Donc, je crois que l'origine Nezara, c'est en lien avec le nez, mais je ne sais plus exactement. Parce qu'elle chatouille quand même un peu les narines, hein, même ça. Si on s'y habitue. C'est ça. Alors, ces punaises, est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Combien est-ce qu'on trouve d'espèces ? Alors oui, il y a plus de 1300 espèces en France, métropolitaines. Donc ça fait beaucoup par rapport à d'autres groupes d'insectes comme les papillons, les libellules ou les criquets et les sauterelles. Effectivement, c'est énorme. Et par rapport à d'autres, c'est pas tant que ça. Les coléoptères sont bien plus nombreux en France aussi. Et c'est la famille principale des coléoptères, c'est ça ? Les coléoptères, c'est les coccinelles, par exemple. Ouais. C'est c'est ce qu'on appelle les scarabées dans le langage courant. Pour compléter et reprendre un petit peu les questions qui viennent d'être posées. Donc, Pierre-Olivier, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté. C'est vrai que c'est les aléas de la radio. Donc Pierre-Olivier Couchard, pardon. Qui parle. Donc dans les coléoptères, c'est plus qu'une famille, en fait. Les coléoptères, c'est un grand groupe d'insectes qu'on appelle un ordre. Et dedans, on a beaucoup de familles. Donc effectivement, on a beaucoup d'espèces. Et si on avait été invité en tant que spécialiste, par exemple, d'une famille de coléoptères, on aurait eu la même question. Donc, pourquoi s'intéresser à ça ? On pourrait même élargir, du coup, finalement, la plupart des gens qui travaillent sur les insectes, c'est « mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui vous passe dans la tête ?» À part, effectivement, les papillons ou les libellules. Ouais. Ou les gens trouvent ça joli. Si on était arrivé en étant spécialiste des mouches, je pense que voilà... Ça a moins de succès, en général. On nous pose souvent la question. Donc le pourquoi, alors il y a souvent des centres d'intérêt qui apparaissent au hasard des études de terrain, où on commence à observer un insecte qui a une couleur particulière qui nous interpelle, ou alors parce qu'un livre vient de sortir peu de temps auparavant et qu'on commence à le feuilleter et le trouve intéressant, et on se retrouve avec la casquette de spécialiste à force de ce groupe. De fouiller. Sans le vouloir parfois, mais bon, voilà, et puis de fil en aiguille, on commence à être pris de passion... De plus en plus. Voilà. Mais donc, si les punaises sont un petit peu mal aimées, même au sein des entomologistes, c'est qu'elles ne sont pas très sexy, finalement. C'est que, comme partout, il y a une question de mode, c'est-à-dire qu'il y a des insectes qui vont être très étudiés parce qu'ils sont jolis ou parce qu'on les trouve facilement, et d'autres beaucoup moins. C'est ça qui va jouer sur l'importance. Mal aimées, disons qu'elles sont mal connues. Je ne dirais pas que les entomologistes les aiment mal ou ne les aiment pas. Après... En termes d'aspect, il y a beaucoup moins sexy, si on reprend cette expression, que les punaises, parce qu'il y a quand même beaucoup d'espèces qui sont colorées dans les punaises, vraiment joliment colorées. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment ça l'origine du problème. Je dirais que c'est plus le manque de documentation, d'accès à cette documentation et la simplicité de déterminer des espèces, parce qu'il y a aussi le niveau technique, avoir du matériel, bon, des loupes binoculaires, connaître les méthodes de recherche. Enfin, c'est un champ qui est très très vaste, mais donc voilà, on a la chance depuis quelques années d'avoir un livre qui est paru assez synthétique sur une famille, enfin une super famille de punaises, mais d'accord, qui concerne même pas tout. Et grâce à ce livre, effectivement, on peut aborder ça de façon moderne et assez complète. Mais ça, on y reviendra. Mais ça veut dire que c'est toujours en cours. C'est-à-dire qu'il y a toujours de nouvelles données qui sortent pour de nouveaux ouvrages pour apprendre à mieux identifier certaines espèces d'insectes qui sont encore mal connues. C'est un processus qui est toujours en cours, finalement. Ah oui, il y a la documentation en entomologie, c'est toujours un gros problème d'y accéder et d'avoir des documents qui soient accessibles au plus grand nombre, illustrés. Voilà. Et à jour, peut-être aussi. C'est vrai que les dernières découvertes, j'imagine qu'il y a certaines espèces qu'on ne mettait pas dans les bonnes familles. Bouge encore. Oui, ça bouge encore pas mal. Pas beaucoup, enfin... Beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais il y a encore des taxons, des choses à clarifier sur la systématique, effectivement. Et puis comme on le disait, bon, moi je suis une piètre entomologiste, mais il y a plein d'animaux qui se ressemblent beaucoup, alors que ce sont des espèces différentes. J'imagine que chez les punaises, c'est le cas aussi. Il y a des espèces très proches qu'on peut confondre facilement. Comme dans tous les compartiments de l'entomologie, on va dire, on a toujours... des duos ou des trios d'espèces qu'on va dire jumelles, vraiment cryptiques, c'est-à-dire que... Et donc c'est dans ces cas-là qu'on a des nouvelles espèces décrites récemment. Okay. Typiquement, voilà, quelque chose où on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce, et peut-être en 2020, on va nous dire « Ah non, finalement, il y en avait deux ou trois ». Je ne parle pas spécialement pour les punaises, mais pour d'autres, plein d'autres groupes. Donc effectivement, il faut se tenir à jour au niveau de la bibliographie, et toutes les découvertes ne sont pas forcément répercutées aussitôt dans un livre, parce que les livres de détermination en entomologie, il n'y en a pas beaucoup, et ils ne ressortent pas tous les deux ans. Il n'y a pas des mises à jour régulières, parce que ce sont des livres qui coûtent cher, qui ne sont pas beaucoup vendus. Et le temps de refaire la synthèse de toutes les découvertes scientifiques, il va s'écouler 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc on utilise parfois ce qu'on appelle des faunes de France. Ce sont des collections très complètes qui existent depuis plus d'un siècle. Il y a eu une faune de France, par exemple, sur, si on prend le cas des criquets, des sauterelles, des orthoptères en 1951. Voilà, donc il n'y en a jamais eu d'autres depuis. D'accord. Et puis, depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle édition de cette faune de France des orthoptères par un autre auteur, bien sûr, parce que le précédent est un petit peu mort. Mais voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Les noms des espèces changent aussi. Enfin, voilà, c'est un processus qui est très, très long. Oui, et puis j'imagine que c'est un travail, on reparlera un petit peu plus tard des collectes de données, mais c'est vrai que c'est un travail gargantuesque. Pour revenir un tout petit peu aux punaises, celles de France métropolitaine, pardon, on les trouve dans quel type de milieu, aussi bien en ville, en campagne, on les trouve vraiment partout ? Partout. D'accord. Il y en a partout. Les milieux humides, dans les l'eau, d'accord. Sur l'eau. Dans le studio peut-être. Dans le studio peut-être, on n'espère pas. Dans les maisons, enfin ouais, partout. Il y en a pour tous les types d'habitats. Mais ça veut dire qu'au niveau de leur alimentation, elles mangent de tout également ? Ou il y a des spécialistes qui s'adaptent à chaque milieu ? Donc, les punaises ont un mode d'alimentation qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'elles possèdent un rostre qu'on peut apparenter à une paille. Okay. Et donc, elles n'ont pas de bouche en tant que telle. D'accord. Et donc, ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Et donc, ils vont pour la plupart piquer des végétaux pour en aspirer la sève et se nourrir de ça. Certaines sont prédatrices et donc vont attraper des proies de la même façon. Elles piquent aussi. Voilà. C'est marrant parce qu'elles ont une morphologie qui ressemble à la menthe religieuse, les pattes avant préhensiles qui vont lui permettre d'attraper ses proies. Et ensuite, le rostre est beaucoup plus fort que chez d'autres espèces et vont perforer la cuticule de sa proie pour la digérer. Voilà. Sympathique. Donc, ça veut dire qu'elle va injecter quelque chose. C'est ça. Elle injecte une salive qui va paralyser. Alors, chez l'humain, c'est très douloureux quand on se trompe et qu'on attrape à la main la mauvaise punaise. Mais effectivement, elle injecte une salive qui va paralyser sa proie et commencer à la dissoudre. Un peu comme les araignées, je crois. Efficace, donc. Et au niveau de leur mode de vie, est-ce qu'elles sont plutôt solitaires, plutôt sociales ? Est-ce qu'on va trouver une grappe de punaises ou est-ce qu'elles sont plutôt toutes seules ? Alors, il y a tous les cas de figure aussi. Alors, si on reprend les punaises sur lesquelles on travaille le plus actuellement avec Romain, donc c'est un grand groupe qui s'appelle les Pentatomoidae. Et donc, on peut avoir dans ces cas de figure, il y en a une espèce, par exemple, de punaise qui est plutôt méditerranéenne, donc on peut trouver aussi dans les environs de l'ouest de l'Occitanie, on va dire, dans le sud-ouest, qui, à l'état adulte, va vivre de façon solitaire, mais par contre, à l'état larvaire, c'est-à-dire les jeunes stades depuis la naissance jusqu'à la dernière mue pour devenir adulte, ces larves vivent en groupe. Et donc, il y a un changement de comportement en fonction de l'âge de l'animal. Deuxième cas, on peut avoir des regroupements qui sont saisonniers. D'accord. C'est-à-dire des espèces qui sont normalement solitaires vont, à l'automne, se regrouper. Un peu comme d'autres insectes le font. Les coccinelles, par exemple, sont connues pour certaines espèces pour se regrouper par milliers. Mais elles se regroupent pour chercher de la nourriture, pour chercher un abri. Pour chercher de l'abri. Ouais. Et essentiellement abri, donc pour l'hivernage, parce qu'on n'a pas parlé de leur cycle, mais on peut trouver des punaises toute l'année. D'accord. Contrairement, par exemple, à la plupart des criquets, si on compare à ça, où c'est plutôt en fin d'été, le reste de l'année, il n'y a plus rien, ou alors toutes jeunes larves. Donc, il y a un hivernage pour la plupart des punaises. Et donc elles s'enterrent, elles se mettent au chaud. Elles peuvent se mettre sous des écorces. Okay. Et donc, le cas qui choque le plus les gens, souvent, c'est quand elles se regroupent derrière des volets ou des fenêtres. Au pied j'avais reçu une photo il n'y a pas très longtemps, au pied de pylônes d'éoliennes, enfin de poteaux d'éoliennes. Elles se regroupaient au pied. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que ça ne doit pas chauffer, il n'y a pas forcément d'intérêt à se retrouver là. Mais... Alors, si c'est au moment où c'est au soleil, peut-être, ça peut arriver. Peu. Voilà, on observe en ce moment, dans Toulouse, enfin même dans toute la région, hein, tout le sud de la France, les rares journées où on a du soleil, on a des petites punaises rouges et noires, qui sont très très connues du public, parce que tout le monde appelle ça les gendarmes. Les gendarmes, oui. Voilà. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, elles se regroupent sur les végétaux au soleil par par dizaines ou par centaines même. Mais ça veut dire que si elles font un hivernage, ça veut dire qu'elles vivent suffisamment longtemps pour survivre plus d'une année ? J'imagine que c'est très variable selon les espèces, mais elles vivent longtemps. Oui, en général, les jeunes naissent durant l'été et vont évoluer jusqu'à devenir adultes en fin de saison, en fin d'été, début de l'automne. Elles vont hiverner et puis reprendre... Se reproduire au printemps suivant. Voilà, et pondre au printemps pour que... voilà, donc c'est à cheval sur... Mais ça veut dire qu'après leur reproduction, l'adulte meurt ? Ou il peut se reproduire une nouvelle fois ? Une femelle peut pondre plusieurs fois, ouais. Tant qu'elle peut se faire des réserves, mais après, il n'y aura pas une longévité de 2 ou 3 ans, ça, ouais. C'est sûr. Survivre à l'hiver, ce n'est pas donné à tout le monde, chez les insectes. Oui, il y a les stratégies. Ouais. S'enterrer ou se mettre sous des écorces ou sous des pierres. On va réfléchir à tout ça et s'accorder une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Starry Night de Ovin Torvund, extrait de Exotica Album. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui 2 invités, Pierre-Olivier Cochard et Romain Bagui, naturalistes, entomologistes et chargés d'études au sein de l'association Nature en Occitanie. Alors, on le disait avant la pause, vous travaillez en ce moment sur un groupe particulier d'insectes, les punaises. Alors, on en parlait un petit peu, mais on disait qu'ils avaient un mode d'alimentation un peu particulier, muni d'un rostre qu'ils piquaient et suçaient soit les plantes, soit les animaux qu'ils rencontraient sur leur passage. Du coup, je me demandais, est-ce qu'elles représentent une menace ou un danger pour l'humain ou les cultures, les punaises? Alors, j'imagine que ça dépend des espèces, mais... La menace... Ça va, elle est toute relative quand même. Hein. C'est pas non plus le. On parlait de morsures tout à l'heure quand même. On peut pas dire que ça fait. Oui, alors. De morsures, enfin, de piqûres. Oui, de piqûres, puisqu'elles n'ont pas de. N'ont pas de piqûres. Donc on a parmi les plus connues deux espèces de punaises. Donc une dans le groupe qu'on étudie, qui est la punaise que tout le monde appelle la punaise diabolique aujourd'hui. Pourquoi ce nom? Franchement, qui fait frissonner dans les chaumières. Voilà, comment faire peur aux gens? On n'a rien de diabolique. C'est une punaise qui est une espèce introduite d'origine Asie, comme beaucoup d'autres espèces d'ailleurs. Hein, mais donc on devine par cette origine que c'est encore une introduction via le commerce international, comme le frelon asiatique. C'est une introduction accidentelle, etc. Du coup. L'animal, accidentelle. Voilà. Et d'une espèce qui est assez opportuniste en termes de nourriture, c'est-à-dire qu'elle est capable de piquer toutes sortes de fruits et de légumes ou toutes sortes de végétaux sauvages. Donc, elle n'a pas une plante particulière, donc partant de là, elle peut manger un peu tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Elle est introduite avec des containers de façon passive, et puis après, de façon active, elle vole. Donc elle se déplace, une fois qu'elle est introduite, elle va commencer à se répandre. Et là, on a eu cette espèce qui est donc originaire d'Asie, qui avait été découverte d'abord en Italie, en Suisse, un petit peu dans ces zones centrales, de façon assez ponctuelle, comme si ça faisait des foyers, et en pleine expansion dans le sud de la France. Et elle est apparue vers Toulouse il y a environ 5 ans. Ah oui, donc c'est tout récent. Et en quelques années, on l'a vu se répandre, mais avec une vitesse absolument incroyable. Là, on la trouve dans toute la France? Au moins tout le grand sud-ouest, on va dire. Et il y a encore des zones, à mon avis, où elle n'est pas encore trouvée, mais c'est une question de 2 ou 3 ans maximum. Et donc, au niveau des récoltes, j'imagine qu'elle fait des dégâts. Les récoltes pourront quand même être faites. Mais après, il y a un aspect esthétique qui est gâché par le fait que ces animaux, quand ils piquent une tomate, par exemple, il va y avoir une tache. Un fruit va être gâté un petit peu, puis il peut y avoir, par cette blessure, des champignons qui s'introduisent ou une petite moisissure qui se forme. Donc, c'est sûr que... Pour vendre après, c'est compliqué, j'imagine. Voilà. Ça sera moins joli. Et la deuxième punaise, donc, qui elle est réapparue après une quasi-disparition en France, c'est la fameuse punaise de lit, qui est connue pour plein d'autres choses aussi, mais qui était quasi-disparue grâce aux mesures d'hygiène, de modernisation, on va dire, de l'habitat. Et puis aussi, il faut le dire, avec les produits qu'on utilisait. Et qui a fait un retour en force depuis quelques années, à la faveur de logements insalubres, à la faveur de tout, encore une fois, le transport d'êtres humains dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on voyage, donc on voyage avec nos parasites, et quand on les emmène ailleurs, dans une chambre d'hôte, eh ben on va laisser quelques punaises de lit pour en les souvenir. Prochains. Ces fameuses punaises qui, du coup, elles sont hématophages, c'est ça, elles piquent et elles se nourrissent du sang. Voilà, donc la proie survit. Mais avec quelques démangeaisons plutôt désagréables. Mais il me semble que ces fameuses punaises de lit, c'est elles qui ont une vie sexuelle un peu fantasque, c'est ça? Effectivement, oui. C'est quand même le sujet croustillant, il faut qu'on l'évoque. Donc oui, c'est assez rigolo. Enfin, je ne sais pas comment elles le vivent, mais... Donc le mâle perfore la femelle un peu aléatoirement pour insérer les spermatozoïdes. Mais avec le rostre ou avec un appareil reproducteur qui avec est adapté? Un appareil reproducteur. Donc, et la femelle survit, même si elle se fait percer le corps? J'imagine que dans la plupart des cas, la femelle survit, sinon... Ça serait pas rentable. Voilà, pour l'espèce, c'est compliqué. Et je crois savoir qu'il ne différencie pas très bien les mâles et les femelles, donc c'est un peu au hasard, par contre. Donc un mâle peut aller trouver un partenaire masculin sans succès? Il me semble, oui. Mais donc, c'est vraiment anecdotique dans le monde des punaises. Et la plupart des autres espèces se mettent... bout d'abdomen contre bout d'abdomen, comme les gendarmes qu'on voit souvent, qui déambulent par deux. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais c'est une fécondation interne, et ensuite, ils pondent des œufs. Voilà, les œufs sont pondus, et puis, particularité de ces insectes et d'autres insectes, c'est qu'il n'y a pas de stade larvaire vermiforme, comme les chenilles ou d'autres larves chez d'autres insectes. Le jeune sorti de l'œuf ressemble à un mini-adulte. Et donc il n'a pas encore d'aile, mais donc c'est un tout petit, c'est une minuscule punaise. Une mini punaise. Voilà, une mini punaise qui va muer plusieurs fois et grandir à chaque fois, puisque les insectes ont un exosquelette, donc ils ont besoin de changer de peau pour pouvoir grandir. et jusqu'à arriver au stade adulte. Et c'est à la dernière mue donc, que les ailes apparaissent dans leur forme terminale. Et là, l'animal est considéré comme adulte, enfin, voilà. En tout cas comme fini, j'imagine. Voilà. Pour revenir un petit peu sur le concret et sur la réalité de vos métiers, on a envie de discuter. Vous travaillez donc à l'élaboration d'Atlas en gérant des données naturalistes. Alors, je voulais savoir un peu plus comment est-ce que ça se passe. Et déjà, un atlas, c'est quoi? Et quelle information peut-on y trouver? Alors, un atlas, c'est un endroit où on regroupe beaucoup d'observations naturalistes. Donc, qui a vu quoi, quand, où, comment. Et on essaye de mettre ça sur des supports de plus en plus évolués pour pouvoir le rendre accessible plus facilement et qu'il soit alimenté plus facilement par les naturalistes. Donc ici, Pierre-Olivier s'occupe d'aller sur le terrain et de noter les espèces qu'il rencontre. Et moi, je suis plutôt derrière l'ordinateur à manier les bases de données pour qu'on puisse être en mesure d'afficher des cartographies et... d'avoir une idée de la répartition de l'espèce. Et l'idée, c'est surtout de savoir où vivent ces animaux, d'avoir vraiment une carte géographique avec la répartition de chacune de ces espèces. Alors ça, c'est une partie de l'atlas, okay. Évidemment, de savoir où on trouve cette espèce, mais il y a toute une autre partie où on collecte d'autres informations que la position où on l'a trouvée, la plante sur laquelle on l'a trouvée, à quelle période de l'année. On peut tirer toutes sortes d'informations de ces atlas. Et alors, du coup, Pierre-Olivier, la partie inventaire, comment ça se passe sur le terrain? À quoi ça ressemble une mission d'inventaire? Alors, ça peut ressembler à plein de choses. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on étudie. Cherche. Alors, ouais. Si on ne parle que des punaises, on utilise, alors pour les punaises terrestres qu'on étudie, en particulier nous deux, on utilise essentiellement la recherche à vue avec un filet. Donc, on fauche dans la végétation et on regarde ce qu'il y a, tout simplement. Ah, déjà, si... ça n'a pas l'air si simple. Parce qu'une punaise, c'est quand même pas très grand, au milieu des grandes herbes, alors, il voilà, faut les trouver. Quand on fauche, on fauche tout. On fauche, ouais. Tout, donc, il y a du vrac dedans. Et après, il faut savoir repérer les punaises du reste. Ensuite, cette méthode de fauche, elle peut être complétée par du battage. Donc, le battage, c'est tout simplement... Alors, c'est des ustensiles rustiques. Hein. On prend un vieux parapluie qu'on retourne, enfin, qu'on ouvre et qu'on retourne. Et on prend un bâton dans l'autre main et on tape dans des branches. Et ce qui tombe dans le creux du parapluie, on le récupère. Donc là, ça permet d'avoir les espèces qui vivent dans les arbres, par exemple, ou dans les buissons. Puisque donc chaque punaise a sa préférence écologique. Donc il y en a qui sont dans la strate herbacée, donc au ras du sol. D'autres même qui sont dans la canopée qu'on aura du mal à trouver parce qu'on n'a pas le bras assez long. Et la troisième... Après, il y a plein d'autres petites méthodes anecdotiques. Ça peut être soulever des cailloux, par exemple, pour trouver des bestioles qui sont planquées en dessous. Ça peut être gratter le sol parce qu'il y a des punaises qui vivent dans le système racinaire des plantes, donc qui sont enterrées, qui sont très dures à voir, mais pas forcément rares, d'où le problème de détection. Donc on peut gratter avec un instrument, on peut gratter à la main si ça pique pas trop. Il faut aussi repérer les bonnes plantes, pour savoir... Et voilà, et l'intérêt de quand on étudie ces punaises qui sont phytophages, donc, c'est de pouvoir reconnaître un minimum les différentes espèces végétales sur lesquelles on est supposé trouver l'espèce qui nous intéresse. J'imagine qu'il y a aussi parce qu'on parlait les patineurs, les punaises d'eau, les gérisses, qui sont aussi donc des punaises. Mmh. Ça, c'est en milieu aquatique, donc vous chaussez vos bottes et vous allez dans l'eau et vous ramassez, pareil, à la surface, tout ce que vous pouvez trouver. Personnellement, je ne les étudie pas trop, mais effectivement, c'est le système du filet troubleau qui est utilisé pour tous les invertébrés aquatiques, on va dire. Donc, de façon soit à l'aveugle, soit si on voit quelque chose précisément qui nous intéresse, on l'attrape. Mais voilà, il y a... Par exemple, il peut y avoir des systèmes comme les pièges lumineux qui sont utilisés beaucoup pour les papillons de nuit. Ces systèmes de pièges lumineux peuvent parfois attirer quelques espèces de punaises, dont des punaises aquatiques, puisque on oublie trop souvent, mais donc la plupart des punaises volent, pas toutes, quelques-unes ne volent pas, mais la plupart des punaises volent, et une punaise aquatique, pour coloniser un nouveau point d'eau, il faut bien qu'à un moment ou un autre, elle s'envole pour aller ailleurs. Donc on l'oublie trop souvent. Elles doivent se déplacer aussi. Ça peut voler très bien. Complètement. Pour ces zones, en fait, vous quadrillez une zone précise, parce que j'imagine que voilà, vous ne pouvez pas quadriller une région entière. Comment vous faites? Vous déterminez un périmètre et vous faites des carrés de zone pour inventorier. Alors, tout ça? Tout dépend de la mission qu'il y a derrière, mais en règle générale, c'est vraiment du je pense que Romain complétera, mais c'est du feeling, on va dire, en voyant les types d'habitats qu'on a devant soi, on va se dire ah, il y a un chêne là-bas, il m'intéresse, je vais aller taper dedans. Il y a tel bosquet qui a tel type de plante, tel versant sud qui est plus intéressant. Ensuite, il y a un versant nord, on n'aura pas les mêmes espèces. C'est un ressenti qui s'affine au fil du temps en fonction des résultats. Si au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que tel type d'arbre, il n'y a jamais rien dedans, on ne va pas trop s'embêter à aller taper dedans. Ouais. Donc, c'est, à chaque fois, c'est un peu au ressenti du terrain. Je ne sais pas si tu veux compléter, Romain. Oui, il y a des milieux, des habitats qui payent mieux que d'autres. Et donc, on va, selon ce qu'on cherche, privilégier des habitats où on sait qu'on va retrouver potentiellement ces espèces-là ou pas. Mais c'est vrai que bon, c'est ce qu'on disait avec Fabre. Hein, donc, on parle de là votre connaissance des punaises, mais il faut aussi connaître le milieu dans lequel elles vivent, à quelles plantes elles sont inféodées. Il y a quand même, vous avez quand même tous les deux un côté très multicasquette, parce que vous êtes naturaliste, photographe, expert dans plein d'autres groupes d'animaux que je n'ai pas cités, que ce soit en entomologie, en herpétologie, avec reptiles, amphibiens, aussi de la botanique. Là, moi, la grande question, c'est comment est-ce que vous faites pour vous diversifier avec une telle efficacité et réussir à quand même avoir cette vue générale de l'écosystème ? Est-ce que c'est une quantité de connaissances assez impressionnante ? Je pense qu'il y a un virus à la base. Et après, c'est au fil du temps. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça a été d'abord les reptiles, ensuite les oiseaux, après les mammifères, ensuite la flore, et puis après, un peu tout mélangé, et puis les insectes. Et voilà, c'est une curiosité générale. Et puis, comme disait Pierre-Olivier tout à l'heure, l'arrivée d'un nouveau livre qui nous ouvre les portes d'un monde qu'on ne connaissait pas. Et donc, un champ des possibles à creuser. On y plonge volontiers, voilà. Pour compléter, je dirais qu'il y a deux freins. Il y a le temps disponible. Parce qu'il y a un moment où il faut dormir. Souvent, on y passe beaucoup de temps. Hein. Quand on parle de chasse de nuit pour les insectes, voilà, ça veut dire se coucher ou ne pas se coucher, d'ailleurs, du tout. Et le deuxième frein, c'est le frein financier, parce que les ouvrages coûtent cher, notamment les ouvrages spécialisés. Et là, on parlait juste avant l'émission d'un catalogue de nouveaux bouquins qui vient de sortir, qui sont annoncés. C'est des livres qui sont autour de 100 euros. Oui, donc c'est un investissement. Donc, au bout de quelques années, on a une belle bibliothèque, mais si on veut s'intéresser sérieusement à un nouveau groupe d'insectes ou d'autres choses, eh bien, il faut investir. Et ça reste encore le meilleur moyen de se documenter sur ces espèces-là. C'est vraiment les références. Internet apporte quelques informations. Il y a un forum sur les insectes en France qui est très très bien structuré, avec de la documentation en ligne, mais ça ne remplacera jamais, de mon avis en tout cas, un livre papier. Mais c'est ce que j'allais vous demander. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande mode des sciences participatives où on invite les gens à participer. Par exemple, le Muséum de Paris a lancé récemment sa nouvelle saison avec Bird Lab, où les gens sont invités à décrire et à noter leurs observations d'oiseaux sur des séances courtes. Est-ce que pour les insectes, vous pensez que c'est une solution qui est fonctionnelle ou qui a aussi ses limites ? Bah, pour les insectes, c'est très difficile parce que il y a beaucoup d'espèces. Il faut quand même avoir des connaissances solides pour faire la différence. Proches, c'est ça. Voilà, et beaucoup se ressemblent. Un exemple pour les punaises, c'est le gendarme. En fait, il y a, je dirais, une vingtaine de punaises qui sont rouges et noires avec des points. Donc c'est très difficile. Et qu'on peut trouver au même endroit, j'imagine. Donc on peut les confondre. Voilà, qui sont souvent sur les mêmes habitats. Donc c'est pas évident. Donc on va se méfier des données produites par les sciences participatives pour l'entomologie parce que vous n'êtes pas certain de. Ouais, c'est très difficile d'avoir des identifications certaines. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Pierre-Olivier et Romain, d'être venus réhabiliter les punaises et nous apprendre un peu plus sur vos métiers. Ça donne envie de rester curieux et de gambader dans la nature. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, je vous propose trois ouvrages. Le premier, c'est la Bible de référence qui est recommandée par nos deux invités. Il s'agit du livre « Les punaises Pentatomoidea de France » de Roland Lupoli et François Dussoulier aux éditions Ancyrosoma. Et vous y retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette famille de punaises, que ce soit taxonomie, photo, répartition, comportement, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, je vous recommande deux ouvrages dédiés à Fabre. Le premier s'intitule « Les incroyables histoires naturelles de Jean-Henri Fabre » par Yves Campbefort, préfacé par Christine Rollard et paru aux éditions Grund. Ce beau livre de 190 pages présente la vie du poète savant, son parcours avant de devenir naturaliste, à plein temps, ainsi que ses fameux souvenirs entomologistes. La majeure partie du livre dévoile des extraits choisis des textes de Fabre, expliqués par l'auteur et accompagnés de très belles photos pleines pages, mettant à l'honneur les héros de ses écrits, insectes, araignées de tout poil. Un parfait ouvrage pour s'émerveiller sur l'ingéniosité de ces animaux et leur beauté microscopique. Le second livre est un album documentaire, original et coloré. Il s'agit du livre « Bestioles », sous-titré « Bousier glouton, mante religieuse assassine, fourmis ravisseuses et autres souvenirs entomologiques ». Les textes sont de Jean-Henri Fabre et l'illustration de Sylvie Bessard. L'ouvrage est paru chez Milan. Cet album documentaire atypique de 75 pages sort du lot grâce à ses sublimes illustrations pleines pages, au ton résolument moderne. Le rendu poudré des dessins, les tons vert, violet et orange sont un enchantement. Le grand plus, à mon sens, ce sont les expériences de Fabre expliquées comme sous forme de bande dessinée ou de mode d'emploi avec des illustrations monochromes, plus rétro, qui permettent de se représenter facilement les trouvailles de l'auteur et sa façon de faire. Ainsi, vous n'ignorerez plus rien de ses observations sur les bousiers, les mantes religieuses ou les chenilles processionnaires. Un très bel ouvrage qui dépoussière et met à l'honneur le travail du célèbre naturaliste. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.